Ouais, j'arrive, je cherche un CD là, et j'arrive tout de suite. Eh ouais, fais vite, hein. Ouais, j'arrive. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Oh, qu'est-ce que tu as fait? Je trouvais plus le CD. Ça va ou quoi? Le CD, hier soir, j'étais avec le blanc, il a fait des nouveaux instruments. Tiens, écoute, écoute. Vécu à ce secret comme nos phases ont les leurs. On n'invente rien, nos phrases sont là pour donner l'heure. Sans vouloir changer le monde en tant qu'inquisiteur, observateur accompli sur feuille et dans vos secteurs. Toujours au seuil des goûts, mais t'inquiète, on se défoue. La race des gratteurs, vrais cœurs, témoins de braves heures debout. Ceux qui tiennent le coup, qui tiennent le crew. Quand éviter le trou, qui passe partout. Vu qu'on fait pas gaffe à tout l'accord au cou. B-boy fanatique, le hip-hop jamais sème. Y'a rien de nostalgique, je compte en futur et on dissème. Ça y c'est le second souffre, ça part en pibrine. Trop de brins, s'imagine ou croit qu'il possède la sale mine. Pour des sales lignes, on réanime le. C'est la vie, que tu sois ravi ou pompi. Depuis l'époque d'Atopie, vérifie. T'es pas le premier à vouloir me saisir. Et tu seras pas le dernier à y en passer, reste le soupir. Oh Jo, je viens de faire une 16 mesures là sur le Montsou. Il est terrible, il est bien. Fraîchement. Il y a une bonne atmosphère. Ouais. Ah ouais. On a travaillé tard hier avec le blanc. Ah ouais. Tu sais quoi, on devrait y aller parce qu'on va être à la bourre. Ah. Et en même temps, tu mets le CD dans la voiture, je te fais écouter un 16 que j'ai fait hier soir. Tant qu'on arrive là-bas. C'est quel numéro? C'est le premier. J'ai écrit ça hier soir pendant que le blanc il faisait. Je suis le genre de cheval qui finit la course, même une patte cassée, cuirassée, dure à terrasser, à serrasser, espinon cadenassé. Et ça va pas, c'est pas la bonne atmosphère. Ah oh. Ouais, faut que je change. Jadis, cursus classique, vie basique, journée typique, le travail et week-end éthique. Jusqu'au soir où le typhon débarque, radiophonique, la passion pique. Peu à peu, je m'éloigne des bancs publics. Autour de mon cou, pendez l'Afrique. Autour de mon crew, Rodelard et Palfric. Fuyant statique, pharmaceutique, pour nous, pour eux c'était qu'exotique. Thérapeutique, après un long sommeil léthargique. Journalistique, la voix prise par la clique. Caustique, en causé linguistique, mystique. Chaque jour était didactique, évoluant sans le savoir. Côtoyant l'utopique, survivant au temps serein. Écrasant le pronostic. Oh, ça va? Bien, il nique, hein? Ouais. Bien, ouais. Écrit hier soir pendant que le blanc il faisait. Bon, j'espère qu'on n'est pas en retard. À mon avis, ici. Ouais, j'espère que le roi, Faf et tout sont là. Salut les gars. Ça va, ça va? Et vous là? Vous êtes en retard, ils sont déjà sur scène. Ah, carrément? Ouais, ouais. Ah, ouais, d'accord. T'as dit que c'est rien. Comme encore se remarquer, on est sur scène, puis on se brouille un peu parce que là, franchement. Oh, bien. Le blanc il est chaud. Dans la place, à ma droite, Chris, c'est chaud. Et si tu aimes MC, dans la place, à ma gauche, Chris, c'est chaud. Dis-moi pourquoi tu crois qu'on fait, on se couche si tard. A chaque nuit blanche, on lit un bon missile qui part. Repli dans notre base, hermétique tel un profond mitard. Quand dans les cocktails ils prennent un coup de Marie Brizard. Soldat de Mars, original, preneur de Paris bizarre. Du genre qui a tiré un trait sur ma vie de sous Mika. Comme tous j'ai traîné du sang au podium Ricard. En ce temps les groupes avec nous étaient du style guitare. J'ai pas voulu le soleil, je connais ce que Pitika. À Paname j'ai appris le sens tout bête du mot tricard. Je veux pas de cigare, ma belle caisse, pas d'éligard. Je garde en mémoire ma piole tirée plutôt du camping-car. Pour chaque verre écrit, un mi à gauche pour Richard. Et un autre la dynamite en bouche de pleurs Nichard. Quel que soit leur carapace, à Yam c'est de l'antichat. Du sérieux, du furibar, MC type Makiza. Mais qui dans le turf prétend que le rap est fat. Et s'ils sont pleins, dis-leur que les phrases ont bas. Donc mic en main, on veut que les phrases soient bas. Si c'est le cas, tous les gars crient. Mais qui dans le turf prétend que le rap est fat. Et s'ils sont pleins, dis-leur que les phrases ont bas. Donc mic en main, on veut que les phrases soient bas. Si c'est le cas, tous les gars crient. Ouais. Et c'est comme ça, Ayam dans la place, live à Marseille. DJ Kirk sur les platines. Toujours merci.